quand j'essaie de me rapprocher de toi. Ce soir j'ai enfin l'occasion de conclure avec toi. Mais tu m'intimides, c'est ça. Me fragilises, c'est ça. Mais j'ose tant pis t'effleurer du bout des doigts. Dis-le-moi plus fort.